Chapitre 26e. Le portefeuille de la reine. Cette fortune, au propre et au figuré, que portait Jeanne de Valois, nul n'en sentit l'importance plus que les chevaux qui la ramenèrent de Versailles. Si jamais chevaux pressés de gagner un prix volèrent dans la carrière, ce furent ces deux pauvres chevaux de carrosse de louage. Leur cocher, stimulé par la comtesse, leur fit croire qu'ils étaient des légers quadrupèdes du pays d'Hélice, et qu'il y avait à gagner 2 talents d'or pour le maître, triple ration d'orge mondée pour eux. Le cardinal n'était pas encore sorti quand Madame de Lamotte arriva chez lui, tout au milieu de son hôtel et de son monde. Elle se fit annoncer plus cérémonieusement qu'elle n'avait fait chez la reine. « Vous venez de Versailles, dit-il. Oui, monseigneur. » Il la regardait, elle était impénétrable. Elle vit son frisson, sa tristesse, son malaise. Elle n'eut pitié de rien. « Eh bien, fit-il. Eh bien, voyons, monseigneur, que désirez-vous ? Parlez un peu, afin que je ne me fasse pas trop de reproches. Ah, comtesse, vous me dites cela d'un air. Attristant, n'est-ce pas ? Tuant. Vous vouliez que je visse la reine ? Oui, je l'ai vue. Vous vouliez qu'elle me laissât parler de vous ? Elle qui, plusieurs fois, avait témoigné son éloignement pour vous et son mécontentement en entendant prononcer votre nom ? Je vois qu'il faut, si j'ai eu ce désir, renoncer à le voir exaucé. Non. La reine m'a parlé de vous. Ou plutôt, vous avez été assez bonne pour lui parler de moi. Il est vrai. Et sa majesté a écouté. Cela mérite explication. Ne me dites pas un mot de plus, comtesse. Je vois combien sa majesté a eu de répugnance. Non, pas trop. J'ai osé parler du collier. Osez dire que j'ai pensé à l'acheter pour elle, oui. Oh, comtesse, c'est sublime. Et elle a écouté. Mais oui. Vous lui avez dit que je lui offrais ses diamants? Elle a refusé net. Je suis perdu. Refusé d'accepter le don? Oui. Mais le prêt? Le prêt. Vous auriez tourné si délicatement l'offre, si délicatement qu'elle a accepté. Je prête à la reine, moi? Comtesse, est-il possible? C'est plus que si vous donniez, n'est-ce pas? 1000 fois. Je le pensais bien. Toutefois, sa majesté accepte. Le cardinal se leva, puis se rassit. Il vint encore jusqu'à Jeanne et lui prenant les mains. « Ne me trompez pas. Songez qu'avec un mot, vous pouvez faire de moi le dernier des hommes. »« On ne joue pas avec des passions, monseigneur. C'est bon avec leur ridicule. Et les hommes de votre rang et de votre mérite ne peuvent jamais être ridicules. »« C'est vrai. Alors ce que vous me dites est l'exacte vérité. »« J'ai un secret avec la reine. Un secret mortel. » Le cardinal courut à Jeanne et lui serra la main tendrement. « J'aime cette poignée de main, dit la comtesse. » Elle est d'un homme à un homme. Elle est d'un homme heureux à un ange protecteur. Monseigneur, n'exagère rien. Oh, si fait, ma joie, ma reconnaissance, jamais. Mais vous exagérez l'une et l'autre. Prêtez 1,5 million à la reine, n'est-ce pas ce qu'il vous fallait ? Le cardinal soupira. Buckingham eut demandé autre chose à Anne d'Autriche, monseigneur, après ses perles semées sur le parquet de la chambre royale. Ce que Buckingham a eu, comtesse, je ne veux pas même le souhaiter. Fut sans rêve. Vous vous expliquerez de cela, monseigneur, avec la reine, car elle m'a donné ordre de vous avertir qu'elle vous verrait avec plaisir à Versailles. L'imprudente n'eut pas plutôt laissé échapper ces mots que le cardinal blanchit comme un adolescent sous le premier baiser d'amour. Le fauteuil qui se trouvait à sa portée, il le prit en tâtonnant comme un homme ivre. Ah, pensa Jeanne, c'est encore plus sérieux que je ne croyais. J'avais rêvé le duché, la pairie, 100 000 livres de rente. J'irai jusqu'à la principauté, jusqu'aux 500 000 de rente. Car M. de Rohan ne travaille ni par ambition ni par avarice, il travaille par amour. M. de Rohan se remit vite. La joie n'est pas une maladie qui dure longtemps, et comme c'était un esprit solide, il jugea convenable de parler affaire avec Jeanne, afin de lui faire oublier qu'il venait de parler amour. Elle le laissa faire. Mon ami, dit-il en serrant Jeanne dans ses bras. « Que prétend faire la reine de ce prêt que vous lui avez supposé ? Vous me demandez cela parce que la reine est censée n'avoir pas d'argent ? Tout juste. Eh bien, elle prétend vous payer comme si elle payait Beaumère, avec cette différence que si elle avait acheté de Beaumère, tout Paris le saurait. Chose impossible depuis le fameux mot du vaisseau, et que si elle faisait l'amour au roi, toute la France ferait la grimace. » La reine veut donc avoir en détail les diamants, et les payer en détail. Vous lui en fournirez l'occasion. Vous êtes pour elle un caissier discret, un caissier solvable, dans le cas où elle se trouverait embarrassée, voilà tout. Elle est heureuse et elle paye, n'en demandez pas davantage. Elle paye, comment ? La reine, femme qui comprend tout, sait bien que vous avez des dettes, monseigneur, et puis elle est fière, et ce n'est pas une amie qui reçoive des présents. Quand je lui ai dit que vous aviez avancé de 150 000 livres, vous le lui avez dit ? Pourquoi pas ? C'était lui rendre tout de suite l'affaire impossible ? C'était lui procurer le moyen, la raison de l'accepter. Rien pour rien, voilà la devise de la reine, mon Dieu. Jeanne fouilla tranquillement dans sa poche et en tira le portefeuille de sa majesté. « Qu'est-ce cela ? » dit Monsieur de Rohan. « Un portefeuille qui renferme des billets de caisse pour 250 000 livres. Mais... » Et la reine me les adresse avec un beau merci. « Oh ! Le compte y est, j'ai compté. » « Il s'agit bien de cela. » « Mais que regardez-vous ? » « Je regarde ce portefeuille que je ne me connaissais pas. » « Il vous plaît ? » « Cependant, il n'est ni beau ni riche. » « Il me plaît, je ne sais pourquoi. » « Vous avez bon goût. » « Vous me raillez. » « En quoi dites-vous que j'ai bon goût ? » ?»« Sans doute, puisque vous avez le même goût que la reine. » Ce portefeuille était à la reine, monseigneur. Y tenez-vous ? Oh, beaucoup ! Monsieur de Rohan soupira. Cela se conçoit, dit-il. Cependant, s'il vous faisait plaisir, dit la comtesse avec ce sourire qui perd les seins. Vous n'en doutez pas, comtesse, mais je ne veux pas vous en priver. Prenez-le, comtesse, s'écria le cardinal, entraîné par sa joie. Vous êtes l'amie la plus précieuse, la plus spirituelle, la plus... Oui, oui. Et c'est entre nous... À la vie, à la mort. On dit toujours cela. Non, je n'ai qu'un mérite. Lequel donc ? Celui d'avoir fait vos affaires avec assez de bonheur et avec beaucoup de zèle. Si vous n'aviez que ce bonheur-là, mon ami, je dirais que je vous vaux presque, attendu que moi, tandis que vous alliez à Versailles, pauvre cher, j'ai aussi travaillé pour vous. Jeanne regarda le cardinal avec surprise. Oui, une misère, fit-il. Un homme est venu, mon banquier, me proposer des actions sur je ne sais quelle affaire de marée à dessécher ou à exploiter. Ah ! C'était un profit certain, j'ai accepté. Eh bien, vous fîtes. Oh, vous allez voir que je vous place toujours dans ma pensée au premier rang. Au deuxième, c'est encore plus que je ne mérite. Mais voyons. Mon banquier m'a donné 200 actions, j'en ai pris le quart pour vous, les dernières. Oh, monseigneur ! Laissez-moi donc faire. 2 heures après, il est revenu. Le fait seul du placement de ses actions en ce jour avait déterminé une hausse de 100%. Il me donna 100 000 livres. Belle spéculation. Donc voici votre part, chère comtesse, je veux dire, chère amie. Et du paquet de 250 000 livres donné par la reine, il glissa 25 000 livres dans la main de Jeanne. C'est bien, monseigneur, donnant, donnant. Ce qui me flatte le plus, c'est que vous avez pensé à moi. Il en sera toujours de même, répliqua le cardinal en lui baissant la main. Attendez-vous à l'appareil, dit Jeanne. « Monseigneur, à bientôt, à Versailles !» Et il partit, après avoir donné au cardinal la liste des échéances choisies par la reine, et dont la première, à un mois de date, faisait une somme de 500 000 livres.